Cours numéro 19. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. As-salatu was-salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Nada akhadna fi darsina al-akhir fi kashf al-shubuhat. عند من؟ تفضل. أخذنا في الدرس الأخير أربع شبهات. نعم. الأولى هي هم يسألوننا هل تنكرون الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. هذه الشبهة معروفة عند القوم أنهم وبعضهم يظن أن si on n'est pas d'accord et on montre أن ce qu'ils font c'est du shirk أي demander aux morts الشفاعة وبعضهم يظن أن الموحد السني لا يؤمن بهذه الشفاعة أو لا يريدها هذه شبهة فهم يظنون أن celui qui demande pas aux morts ça veut dire qu'il veut pas cette شفاعة أو il y croit pas أو il a un doute ما الجواب تفضل continue. الجواب نحن لا ننكر الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بل هو حق نعم ولكن الشفاعة ملك لله كما قال تعالى كل لله شفاعة جميعا لابد أن تطلب من الله أحسنت فنؤمن بهذه الشفاعة لماذا؟ لأن ليست في القرآن وفي السنة لكن هذه الشفاعة ملك لله قل لله الشفاعة جميعا هكذا قال الله في القرآن donc c'est Allah سبحانه وتعالى qui possède cette شفاعة ça fait partie de son ملك donc نحن lui demande et on espère cette شفاعة on demande à Allah سبحانه وتعالى أنه efface de nous qu'on profite de cette shafa'a yawm al-qiyama, que ce soit shafa'a de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ou d'autres. Thumma, on a lu ensemble la sixième shubha. Faman yadhkur, tfaddal. Shubhatu hiya anna al-mushrikoun ya'taqidoun anna shafi'a yawm al-qiyama ay anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam qad yashfa' ma yurid. لا فعند من تفضل شبهة تقولون أجز الله لرسوله أن يشفع وأن يعطي هذا الشفعة وبذلك هم يطلبون للنبي صلى الله عليه وسلم الشفعة أي نعم لا بأس أي يقولون يبخطنهم أنهم يسألون هذه الشفاعة لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطيها الله سبحانه وتعالى lui a donné il lui a promis qu'il allait faire شفاعة et on a des hadiths أن النبي صلى الله عليه وسلم il fera شفاعة فهي aucun doute à ce sujet فهم يدين on demande une chose que le prophète صلى الله عليه وسلم il aura فpour eux c'est pas du shirk ما الجواب؟ رد عليهم قوله تعالى ولا تدعوا مع الله أحدا فلا تدعوا مع الله أحدا فهذه الشفاعة يدعوها النبي صلى الله عليه وسلم أي أن دعاء غير الله حرام سد الشرك من سي النبي صلى الله عليه وسلم ما أكن دوت أنه يفرى انترسيسيون يوم القيامة بإذن الله عز وجل لكن الفت de lui demander في هذه الدنيا alors qu'il est mort عليه الصلاة والسلام ففي الحقيقة c'est une demande C'est une ibada, du'a, et ghayrillah, azza wa jal. Et à du'a, et les ghayrillahi subhanahu wa ta'ala, c'est le shirk akbar. Fala tad'u ma'allahi ahada. Ça englobe le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa man dounahu min al-makhlouqat. Kadhalik, il a cité un deuxième point important, vihada, tfaddal. ونرد عليه أن الشفعة ليس خاصة النبي صلى الله عليه وسلم بل يعطي الله للملائكة وللصالحين فماذا؟ هل تطلب منهم؟ أحسن أي أن الشفاعة ليست خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. On a des preuves qui montrent que les anges vont faire شفاعة. كذلك il a cité الأفراط, les enfants morts en bas âge, ils feront شفاعة à leurs parents. Est-ce que d'après leur raisonnement, leur argument, on a vu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il aura cette shafa'a, on lui demande فهكذا هؤلاء. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a informé que le malaïka ils feront shafa'a, que l'afrat et les nouveau-nés qui sont morts ils feront shafa'a. Est-ce que ça implique qu'on va leur demander shafa'a min dounillah? Là c'est du shirk. Pourquoi différencier entre les deux cas alors que c'est la même chose? الشبهة السابعة يقولون المشركون أن الالتجاء للصالحين ليس شرك. نعم لماذا؟ لأن الشرك بغسكوا الالتجاء إلى الأصنام, إلى عبادة الأصنام. هم يقولون نحن نسأل ونطلب من الصالحين. هؤلاء الصالحون عندهم جاه عند الله. يا الله الزام يزوى أوغن. مثلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم, مثلا الصحابة رضي الله عنهم, إذا أغوا إلى بي عند الله عز وجل أكان توت شخصورة. فهم يديز فنحن ندمان بان بيار أو انستاتو أو النعم. لا يديز ندمان هؤلاء الأفاضل الأخيار. سيكوا لا ريبونس عندما تفضل الانتجاء والدعاء, والدعاء هو العبادة, والعبادة هو حق لله. نعم هذا تقدم معنا. أن on pourrait répondre ici أن الدعاء نعم من عبادة, et on n'a pas le droit de demander à autre qu'Allah. لكن هنا شيخ الإسلام رحمه الله il a diversifié sa réponse pour que l'argument soit plus fort. تفضل. نسأل عنهم ما هو العبادة, نسأل عنهم من عنهم في العربية. فائدة في العربية quand vous parlez mettez pas des dhamma ir et on sait pas de qui vous parlez. Yana vous dites anhum au début de phrase on sait pas de qui vous parlez. Là le dhamir مثلا هم عنهم هذا هو, tu le cites quand tu as parlé on sait de quoi tu parles. مثلا tu dis al mushrikun fa'alu kada kada wa hum, ils disent kada, on sait de qui tu parles. Maintenant vous commencez par anhum hum, on sait pas de qui vous parlez. Surtout ce sujet il est très très important. Il y en a peut-être que tu parles musulman et nous on pense que tu parles de mushrikoun. Ou peut-être que tu parles mushrikoun et là je pense que tu parles d'un musulman et je te corrige pas si tu te trompes. Tottab. نسألوا عن المشركين ما هو الشرك عندهم. أحسنت. On demande à ce mushrik vu que huwa il nie, il démontre qu'il a fait du shirk. Il dit là je fais pas de shirk. Je demande à un homme pieux pour me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, c'est pas du shirk. On pourrait lui répondre avec les réponses précédentes. Lakin huna, on a une faïda, azima, min al-mu'allif rahimahullah, annahu, on lui demande, c'est quoi shirk? Vu que tu dis que tu ne fais pas de shirk, c'est quoi shirk? On lui dit, kayfa taqul? Comment tu prétends, là, que tu ne fais pas de shirk, et tu ne sais pas c'est quoi shirk? Hada huwa al-jawab. Comment tu prétends ne pas faire une chose, et tu ignores cette chose? Aslan. فهو يلقى دي ريبونس ربما اي تقدم معنا ان سي ريبونس هاد سون فوس. اما يبقى بونسي كو الشرك سي كو لي ستاتو, اما يبقى بونسي كو الشرك سي كو في الربوبيه, فهو يبقى دير كومبليتمون انا جو نسي با سي كو الشرك. ففي هذا الحال كما قال المؤلف تقول له كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر انه لا يغفره. اي الله ان ذا ديمونتري في القران الكريم ان يباردون با هذا الشرك. Celui qui meurt à la hadith shirk rentre en enfer éternellement. Ses œuvres, elles sont annulées. Et c'est le plus grave des péchés. Il a accré, il ne profitera pas de l'intercession. Et tu trouves, ah oui, ils ne savent pas c'est quoi. Cette chose qui est très très grave, ils ne savent pas c'est quoi. Seulement, ils prétendent qu'ils ne font pas cette chose. Ça nous montre une des principales causes d'égarement, c'est l'ignorance. Al-Jahmina. On l'a vu ensemble. On l'a vu ensemble, là. تفضلوا تفضل. المشركون يقولون نحن لا نعبد الأصنام. أحسنت. المشركون يقولون نحن لا نعبد الأصنام. On revient دائما, c'est la 8e chouba, c'est la suite de la 7e. Donc هم disent ce mouchrik qui s'entête, il prétend qu'il adore pas des statues. تفضل. نسأله ما هو العبادة الأصنام؟ ما معنى عبادة الأصنام؟ لماذا tu lui poserais cette question؟ لأنه لا يدري. لكن أنت لماذا tu lui poses؟ ليبين. Pour lui montrer أنه لا يعرف معنى العبادة. Comment il prétend qu'il n'adore pas des statues comme ils ont fait le mushrikoun al-awwalun, alors que lui-même il ne sait pas c'est quoi l'ibad. Cheikh l'islam, il va en venir où? Et si ce mushrik il connaîtrait vraiment le sens de l'adoration, il n'aurait jamais demandé à un mort. L'imada anna ibadatul asnam wa talab al-shafa'a min al-amwad, c'est la même chose, c'est du shirk. S'il connaîtrait vraiment le sens de l'ibad, il aurait su que demander à un mort ou adorer une statue, c'est dans tous les cas une adoration. Dans le premier cas, c'est une adoration pour une statue. Dans le deuxième cas, c'est une adoration pour un mort. Le mort, il est créé, c'est une créature, on n'a pas le droit. La statue, elle est créée, c'est une créature, on n'a pas le droit. Les deux cas, c'est du shirk. Ah, des réponses mouvides. Lakin, comme on a conseillé le dernier cours, résumé. Hatta la tadhab ankum al-fa'ida. Déjà, le mu'allif, l'haqiqa, il a résumé jiddan. أنتم اختصروا الكلام. C'est très très simple. في هذه النسخة dans notre livre, cette tabaa que j'ai, il y a un sakt kabir. Il manque la 9e et la 10e shubha. وأظن أنتم كذلك. هذا الكتاب en rouge, c'est le matnam. Oui, نعم. حيث قالوا وجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. Ça, c'est la dernière partie du matn qu'on a lu. Ce verset, min surat Sad. Summa, قول المؤلف, ce qu'on doit lire aujourd'hui, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ هَذَا الَّذِي يُسَمِّيهَا الْمُشْرِكُونَ. Et un sakt kabir, حَتَّ فِي نُسْخَتِكُمْ. C'est qu'il y a une autre nuskha. Vous avez tous ce sakt. Un tatuahat, un number. فَإِذَا عَرَفْتَ Donc toi aussi tu as le sakt. La plupart des nuskh, et des versions des kashf al-shubuhat, فيها السقط لهذه النسخة في هذا التحقيق إلى السيتي السقط أي la partie qui manque. في الحقيقة c'est deux شبه, la 9e et la 10e. فنقرأ من هنا et إن شاء الله تعالى j'essaierai de vous donner la partie qui manque, إما la photocopie, إما vous donner une référence où vous pouvez la trouver. المهم ركزوا معي, suivez avec moi. فنقرأ من هنا. أولا on lit السقط أو قوله نعم ما بين الهلالين أي entre parenthèses qu'il a rajouté dans cette nusra ساقط من أكثر النسخ نعم un manque dans la plupart des versions de كشف شبهات qui ont été imprimées ومن الأصل ونسخة ابن غنام إلى آخره ونسخة المؤلفات ونسخة الجامع الفريد وفي حاشيتها أنهم استدركوها من أصل في عصر المصنف نعم رحمة الله عليه أنهم ils ont trouvé أو à l'époque du مصنف رحمه الله là, il avait une version, sa propre version de كشف الشبهات et ils ont rajouté ce mot qu'il y avait dans certaines رسائل qui étaient propagées. على كل حال ce manque ou se rajoute dans cette nusra, il est thabit, ça fait vraiment partie de كشف شبهات فنقرأ. قال رحمه الله, donc la 9e شبهة. فإن قال أي المشرك إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء وإنهم كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله. المشرك de notre époque qui adore les morts, عيد بالله. Quand Al-Musannif rahimahullah il a répondu à sa shubha, annahu, vous vous rappelez de la shubha, la 7e, la 8e, anna, ce qu'ils font eux ce n'est pas du shirk, annahum, ils n'adorent pas des asnam. Et les versets qui ont été révélés sur les mushrikoun, c'était parce qu'ils adoraient les statues. Et hum, ils adorent, ou ils demandent à un prophète, à un wali. Vous vous rappelez de hada. Enfin, le mushrik de notre époque, il a dit إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء. أي المشركون qui étaient à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم sur lesquels les versets ont été révélés أنهم c'est des kuffars. فهو il va prétendre le mushrik d'aujourd'hui أنهم C'est devenu des kuffars, pas parce qu'ils demandaient à des prophètes et aux anges. Comme ils font eux cette demande d'intercession, c'est pas ça qui ne les a pas fait rentrer vers l'islam, et ils restaient des kuffars. وإنما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله ونحن لم نقل إن عبد القادر ابن الله ولا غيره ابن لله. تأملوا cette شبهة. Ça, ça nous montre أن الصاحب الواطئ que ce soit un مشرك ou autre, si il veut pas le haq, tu peux lui citer l'argument que tu veux, il trouvera une réponse. Même si cette réponse, elle n'a rien à voir avec le sujet. Même si cette réponse, elle est raïve et lui-même, il sait que l'argument ne tient pas debout. Lakin, les patients, ayyadam billah. On doit faire attention à hada. L'orgueil, ça pousse à refuser le haq. Même si ce haq, il est aussi clair que le soleil en plein jour. Aham shay indal ba'd, c'est de ne pas se rabaisser. Et Naomi pense que c'est se rabaisser. Alors que fil haqiqa, accepter le haq, c'est pas se rabaisser. Ben si, c'est se soumettre à Allah Azza wa Jal. Il n'y a aucun problème. Anzur, ou isma' hada jawab. Eux, ils disent annahum. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les a rendus kuffar, il les a combattus. Limada, les annahum, ils prétendaient que les anges, les malaikato, c'était les filles d'Allah Azza wa Jal. Et kadhalik, anna Isa, c'était le fils d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui les a fait sortir de l'islam. Pas le fait que les gens, ils leur demandaient l'intercession pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Qala fil jawab, la réponse à cette shubha. أن نسبة الولد إلى الله تعالى كفر مستقل. قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد والأحد الذي لا نظير له والصمد المقصود في جميع الحوائج. فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد آخر السورة. أي celui qui prétend que Allah il a un enfant, c'est un kafir. Il n'y a aucun doute في هذا. وقال الله تعالى وما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ففرق بين النوعين. ثم المؤلف رحمه الله il a cité ce verset pour démontrer que le fait de dire que Allah il a un enfant ou de croire que Allah il a un enfant, c'est le kufr, c'est la grande mécréance. Et que ذلك, le fait d'invoquer une créature, un mort, une chose que il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui peut te donner, c'est du kufr. Enfin, les deux, c'est du kufr. Enfin, ils ont pensé que demander à autre qu'Allah, ce n'est pas du kufr. Ils ont pensé que le kufr, c'était seulement le fait de dire qu'un tel, c'est le fils d'Allah, yadam billah. Ata'amman le verset, ma takhad Allahu min walad. Enfin, c'est du kufr. Celui qui prétend qu'Allah, il a un enfant. Wa ma kana ma'ahu min ilah. Et qu'à dalik, il n'y a pas d'ilah ma'Allah. Ça veut dire quoi l'ilah? C'est quoi Wajhul Istidlal Huna? Par rapport à notre mas'ala, l'imam il a cité ce verset. Et son argument, rahimahullah, c'est la première partie pour le walad et la deuxième partie pour l'intercession. Qui c'est qui fait le lien? Wa ma kana ma'ahu min ilah. Tfaddal. La première partie, c'est clair. Allah subhanahu wa ta'ala, il a pas d'enfant, et celui qui prétend qu'Allah il a un enfant, c'est du kufr. Donc Cheikh l'Islam, il leur a montré que le fait qu'il prétend, le fait que Wahid il prétend qu'Allah il a un enfant, c'est du kufr, on est tous d'accord. La deuxième partie, c'est là qu'on diverge avec eux. On me dit c'est une demande d'intercession, c'est pas du kufr. Nous on dit cette demande c'est du kufr. لماذا لأن الله عز وجل قال وما كان معه من إله. الإله c'est le ma'boud. تقدم معنا au début de la risala. الإله c'est le ma'boud. Et celui qui adore, qui demande à autre qu'Allah, il l'a pris comme إله. والله سبحانه وتعالى قال وما كان معه من إله. On n'a pas le droit de dire que un tel c'est le fils d'Allah et on n'a pas le droit d'adorer autre qu'Allah. Les deux c'est du kufr. Amahum, ils ont dit là, c'est que le fait de dire qu'Allah est un enfant, c'est du coup. Amma demandé l'intercession, c'est pas du coup. Le verset, c'est un rat alayhim. Qala, fa farraqa bayna al-naw'ayn wa ja'ala kullan minhuma kufran mustaqillan. Wa qala ta'ala wa ja'alu lillahi shuraka al-jinn wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banat bi ghayri 'ilm. C'est la première partie. Ils prétendent qu'Allah il a des filles ou des fils. قال سبحانه وتعالى عما يصفون. Donc les deux parties sont citées. وَجَعَلُوا لِلَّهِ الشُّرَكَ Ils donnent des associés à Allah fil ibad. C'est du kufr, c'est du shirk. Et كذلك le fait de prétendre qu'Allah il a des enfants, c'est du kufr. Pourquoi différencier entre les deux? C'est du kufr, c'est du kufr. Vous avez compris un. Mahom, ils disent non, on ne dit pas que c'est les fils d'Allah. On ne dit pas que c'est les enfants d'Allah. On ne dit pas que c'est les filles d'Allah. Donc, ce n'est pas du kufr ce qu'on fait. La réponse, c'est bala, c'est du kufr. L'imada, les annahum, vous les invoquez. Et l'invocation, c'est une adoration. Adorer autre qu'Allah, c'est du kufr. Qala fa farraqa bayn al kufrin. Wa dalil ala hada aydan. Anna alladhina kufiru bi du'a illat ma'a kawnihi rajulan salihan. لم يجعلوه ابن الله والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك كفار قريش بعضهم ils adorent Lat et ils sont jamais rentrés dans l'islam, ils n'ont pas accepté l'islam et ils sont restés à la kufriyam. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam il les a combattus. Certains ont l'ilahi hamd en fait tawbah, mais on parle ceux qui sont morts à la kufriyam. Est-ce qu'ils ont prétendu anna Lat c'est le fils d'Allah? Abadan, ils n'ont jamais dit Lat, c'est le fils d'Allah. Certains d'entre eux, ils ont dit le Malaïka, c'est le fils d'Allah. Al-Nasara, ils ont dit Isa, c'est le fils d'Allah. Mais ceux qui adoraient Lat, on n'a aucune preuve qu'ils disaient Lat, c'est le fils d'Allah. Fama'a hada, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les a combattus les mada, les annahum, c'était des kuffar. Kadhalik, on a des adillah, al-Nabad, ils adoraient des djinns. Et ils n'ont jamais prétendu al-Djinn, c'était le fils d'Allah. Donc le fait de restreindre la mécréance en seul kuffar à celui qui prétend que la chose qu'il adore c'est l'enfant d'Allah Azza wa Jalla, c'est pas c'est une shubha et comme tu vois les daif قال رحمه الله وكذلك العلماء ايضا في جميع المذاهب الاربعه يذكرون في باب حكم المرتد ان المسلم اذا زعم ان لله ولدا فهو مرتد dans les livres des savants de l'islam de n'importe quel madhhab les madhhab qui sont connus il cite دائما باب المرتد dans les kutub de fiqh, il cite un chapitre sur l'apostasie. Et il cite beaucoup de cas. Il cite, maintenant, parmi les cas, celui qui prétend que Allah il a un enfant. Là, chaque cas, c'est du kufr. كَذَلِكْ قَالَ وَإِنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ فَهُوَ مُرْتَدٍ Et il cite كَذَلِكْ cette partie. Là, celui qui fait du shirk akbar, il sort de l'islam. C'est du kufr. قَالَ فَيُفَرِّقُونَ بَيْنَ النَّوْعَيْنِ وَهَذَا وَاضِحٌ فِي غَايَةِ الْوُضُوحِ Donc, on est d'accord l'un, fil le Coran, ou fil Sunna et madhab jami' al-ulama, le fait de dire qu'Allah est un enfant, ça fait sortir de l'islam, c'est du kufr. Et le fait d'adorer autre qu'Allah, d'invoquer autre qu'Allah, كذلك, c'est du kufr. Dixième shubha. Qala, rahimahullah, wa in qala, ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. هذه الآية تقدمت معنا كثيرا فقل هذا هو الحق ولكن لا يعبدون on l'a déjà cité هذه في الحقيقة dans, ربما dans le الشرح dans كلام شيخ الفوزان أنهم يبون dire لكن هؤلاء ils ont un جاء عند الله ils ont une منزلة عظيمة ils ont un haut rang الله les aime c'est des alliés d'Allah سبحانه وتعالى نحن دينا نعم le verset il est clair ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون Et Allah subhanahu wa ta'ala قال في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب celui qui fait du mal à un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala il lui déclare la guerre ça montre qu'Allah il aime ses alliés لكن كما قال الشيخ la réponse هذا هو الحق c'est vrai هذا لكن لا يعبدون لكن on les adore pas Allah subhanahu wa ta'ala il leur a donné ce rang il les a élevés il les a favorisés il les aime فنحن on doit les aimer Et on leur donne leur droit, leur haq. Si c'est un nabi, on croit en lui. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on est obligé de le suivre. Il a akhiré. Amma l'adoration, fala. Celui qui les adore, il a dépassé les limites. Il a exagéré et iyadam billah. Ça, c'est du kufr, c'est de la mécréance. Qala wa nahnu lam nunkir illa ibadatahum ma Allah wa ishrakahum ma. Wa illa fal wajib alayna hubbuhum wa tiba'uhum wa l'iqraru bi karamatihim. ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلالات ودين الله وسط بين طرفين وهدى بين ضلالتين وحق بين باطلين كلام جميل أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هنا يقول أن on est d'accord on croit نحن en ces كرامات الأولياء أن الله il a des alliés il les aime لكن on n'est pas d'accord avec les mouchriquins sur le fait qu'ils soient En al-Ba'd, ils font tawaf autour de leur tombe, ils tournent autour de leur tombe. Certains, ils sacrifient. عند القبر عيادا بالله pour se rapprocher de ce mort pour que ce mort il demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Certains ils font dua, ils demandent بعضهم à notre époque والله انهم ils font sujoud والركوع quand ils arrivent devant la tombe يركعون بعضهم يسجدون بعضهم ils pleurent اي طمعا ورجاء quand ils arrivent عند القبر ils pleurent انهم ils espèrent que ce mort ils les entend pour que leur invocation elle soit exaucée عياذا بالله. بعضهم عند القبر ils ont plus de خشوع, ils sont plus concentrés, ils ont plus de recueillement devant la tombe que في الصلاة quand ils font salat pour Allah عز وجل. هذا c'est عين الشرك. Si هذا c'est pas du shirk, il n'y a pas de shirk في الحقيقة. فلهذا الشيخ الإسلام رحمه الله هنا قال ولا يشهد كرامات الأولياء إلا أهل البدع. C'est pour ça que les ulama du kutub al-i'tiqad dans les livres de croyance des savants de la sunna ils citent هذا الباب باب الكرامات. كرامات أي les si on peut traduire par les miracles de certains أولياء. Allah سبحانه وتعالى les a élevés, il leur a facilité beaucoup de choses. Tant que c'est حق فنؤمن بهذا لكن sans exagérer. أما les rêves les légendes, les histoires il a arrêté qui sont appuyées par aucun dalil du Coran et de la Sunna, c'est de l'écartement. On fait attention à ne pas tomber dans un extrême exagéré par rapport aux saints, aux pieux, aux awliya, et l'autre extrême ne pas reconnaître leurs droits. Le juste milieu, ils ont des droits, on les aime, fillah. Allah il les a élevés et on ne les adore pas, parce que l'adoration c'est que pour Allah. هذا الكلام جميل. ثم on revient au kitab, لأن la partie qui manquait on a fini et on revient au matn. الآن vous suivez avec moi cette partie, faites-moi penser que inshallah vous la recopiez, on trouve une solution, vous photocopiez. قال فإذا عرفت. Antum, vous avez vu tout ce qu'on a lu dans votre nusra, vous avez un manque et directement vous avez ce kalam. فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ هَذَا الَّذِي يُسَمِّيهَ الْمُشْرِكُونَ فِي زَمَانِنَا الْإِعْتِقَادِ. C'est la suite, في الحقيقة, de la dixième shubha. Antum, il vous manque la neuvième et le début de la dixième. قَالَ فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الَّذِي يُسَمِّيهَ الْمُشْرِكُونَ فِي زَمَانِنَا الْإِعْتِقَادِ هُوَ الشِّرْكُ الَّذِي نَزَلَ فِيهِ الْقُرْآنُ وَقَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ عَلَيْهِ فَاعْلَمْ أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. Ce passage تقدم معنا في القواعد الأربعة. La quatrième قاعدة, la quatrième règle. أن مشرك زماننا أغلب شركا من المشركين الأولين. Vous vous rappelez de la quatrième règle, أن المشركون, ceux qui font du shirk, à notre époque, leur situation elle est plus grave. Et ils se sont encore plus égarés que les mouchriquons qui étaient à l'époque du prophète alayhi salatu wasalam. Limada, deux points. قال بأمرين أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء وأما الشدة فيخلصون لله الدين. أي أن الأولين أي المشركون à l'époque du prophète alayhi salatu wasalam, كثير منهم ils faisaient pas du shirk en période de difficulté, quand ils étaient dans une situation difficile. Donc quand ils revenaient dans l'aisance, cette épreuve elle passe, cette difficulté elle passe, ils faisaient du shirk. Amma ceux dans notre époque, ils font du shirk quand ils sont en difficulté ou dans les moments d'aisance. Ben quand ils sont en difficulté encore plus, il y a des bêtises. كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ظل ما تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وإذا مسكم الضر في البحر ظل ما تدعون إلا إياه. أي quand ils étaient éprouvés في البحر, ils étaient pris dans une tempête avec leur bateau, ils oubliaient toute leur divinité. لماذا؟ لأنهم ils avaient la conviction أن leur divinité elles peuvent rien leur donner. Ils les prenaient comme pour faire intercession, فقط comme شفعاء. قال فلما نجاكم من البر أعرضتم. ثم quand ils étaient sauvés بإذن الله عز وجل, et ils arrivaient à rejoindre la côte, la terre, Et ils étaient en sécurité. Iyadam billah. A'rabtum. Ils se détournaient. Et ils revenaient à l'adoration de leurs idoles. Wa kana al-insanu kafura. Ça, c'est un manque de reconnaissance. C'est du kufr. Iyadam billah. Wa qawluhu. Qul. أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون سألوا ما مستدل أو تتكم الساعة تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون أي quand vous êtes dans ces moments difficiles ils invoquent Allah سبحانه وتعالى وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ Ils oubliaient toute leur divinité. Les malades, ils savaient que cette divinité, elle pouvait rien leur faire. وَقَالَ تَعَالَى وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَى رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ Quand l'insane, il est touché par une épreuve, par un mal, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala seul, même le mushrik. وَقَوْلُهُ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ C'est le même istidlal que le premier verset, quand ils sont fait le bahar, quand ils sont en mer et ils sont éprouvés par une tempête ou autre, ils demandaient à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Amma al-mushrikoun de notre époque, vous avez remarqué, quand ils sont en difficulté, leur enfant tombe malade, ou ils n'arrivent pas à se marier, ou ils sont éprouvés par une maladie ou autre, dans ce cas-là, ils multiplient le shirk. Ils voyagent, ils vont voir Saleh, ils donnent de l'argent, ils sacrifient, ils font tawaf, ils font du'a. Alors que le mushrikoun, à l'époque, quand ils étaient touchés par un mal, ils demandaient à Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin, vu qu'ils n'ont pas fait tawbah de leur shirk, et après la difficulté, ils refaisaient du shirk, ça restait des mushrikoun. Si tu analyses les deux situations, la situation des mushrikoun à notre époque, elle est plus grave. قال يقول الشيخ رحمه الله إذا عرفت مما سبق أنه لا فرق بين شرك الجاهلية الذي نزل فيه القرآن والذي قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والشرك هؤلاء المنتسبين إلى الإسلام من عباد القبور وأصحاب الطرق الصوفية المنحرفة ونحوها لا فرق بين الشرك هؤلاء وهؤلاء إلا في الاسم حيث يسمونه الاعتقاد فقط تقدم معنا الإكسبليكاسيون ده هذا اللفظ الاعتقاد أي إذا كان اعتقاد عيادا بالله في في في في الأولياء. Donc il y a aucune différence entre les deux شرك أي من حيث أنه c'est du شرك أكبر c'est du شرك أكبر. فعلم أن الشرك هؤلاء المتأخرين المنتسبين إلى الإسلام أشد وأغلب من شرك المتقدمين من أهل الجاهلية من وجهين. Donc il y a aucune différence dans le حكم. Et le jugement, c'est du shirk akbar, c'est du shirk akbar. Ceux qui adorent des statues ou ceux qui adorent des pieux, des morts, c'est la même chose. Lakin, dans la gravité, ceux de notre époque, leur cas, il est plus grave. Les mains, deux cas qu'on a cités dans le maintenant. L'awwal, un shirk al-awwal, il n'y a pas yahsul fi hal al-raha, wa amma fi hal al-shidda fa innahum yatrukuna al-shirk wa yukhlisuna al-du'a lillah. لعلمهم أنه لا ينجي من الشدائد إلا الله سبحانه كما ذكر الله عنهم في الآيات التي ساقها الشيخ والتي ساقها الشيخ وغيرها نعم les versets qu'on a lu ensemble وأما هؤلاء المشركون المنتسبون إلى الإسلام فشركهم دائم في الرخاء والشدة بل إن شركهم في الشدة يزيد على شركهم في الرخاء c'est ce qu'on a cité ensemble. Quand ils sont touchés par un mal, au lieu de faire tawbah, de laisser shirk et adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, ils s'éloignent encore plus d'Allah azza wa jalla et ils font encore plus de shirk. Quand ils sont touchés par un accident ou une maladie ou une catastrophe, elle les a touchés, la première chose qu'ils font, il faut aller voir le wali. Alors que le mu'min, dans ce cas-là, يدمر الله سبحانه وتعالى قال بحيث إذا وقعوا في خطر وشدة ارتفعت أصواتهم بالشرك ودعاء غير الله ويذكر أحد المسلمين أنه il était في سفينة مع بعض هؤلاء القبوريين ils étaient dans un bateau en pleine mer. Thomas, il y a eu un problème. Il y avait un problème, le bateau il a commencé à bouger avec le vent, les vagues, il a arrêté. Et t'as le monde, cette situation elle est difficile. Khas, satan avec des ignorants. La yakhafoun Allah ou la yatawakkaloun ala Allah. Fa, il témoigne, hadha le muslim, anna kullahu, wahad il disait ya Abd al-Qadr, wahad il disait ya Tijani, wahad il disait ya Sidi Fula, tous, pas un il a dit ya Allah. Et c'est un musulman, ouais, il faisait du'a, il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala, mais à ce moment il l'a marqué. Alors que les mouchriquons, les awwaloons, comme a akhbar Allah subhanahu wa ta'ala, quand ils étaient en mer, exactement la même situation, ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala seul. Falihada, qissat Ikrima ibn Abi Jahl, radiallahu anhu, Ikrima Aslama, le fils d'Abu Jahl, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avec Sahaba radiallahu anhum, ils sont retournés à Mecca. Et, walillahi alhamd, Mecca c'est devenu une terre d'islam. Et, al-mushrikoun, kathir minhum, walillahi alhamd, ils se sont convertis à l'islam. Et d'autres, ils se sont enfuis. Minhum Ikrima, le fils de Abu Jahl. Il s'est enfui. Et, ta'alamoun, Mecca c'est proche de la mer Rouge. Ils se sont enfuis direction la mer. Et, ils ont pris un bateau. Et, exactement ce qu'on vient de citer comme épreuve avec le vent, la tempête, il a arrêté et il a vu ils étaient dans ce moment de difficulté et ils invoquaient tous Allah. Là, c'est le mouchrikoun qui est à Mecca, personne n'a dit Allah, tu es l'Uzzallah, il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala. Ikrima, ça l'a touché, comme il rapporte si dans ce moment-là, vous demandez à Allah, on demande à Allah. Ça veut dire que Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a haq. Tout ce qu'il nous a montré, c'est haq. Il faut invoquer Allah. L'imada, quand c'est dur, on demande à Allah. Et quand on est sauvé, on adore des pierres et des arbres. Al-Hada, il a fait un dua. An-Allah azza wa jal. Dans ce moment, il a fait un dua. An-Allah azza wa jal, idha najjah. Il est sauvé. Et il reste vivant. Il rejoindra un Nabi sallallahu alayhi wa sallam fil Medina. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il les a sauvés, minhum Ikrima, et Ikrima, il est parti, il a rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est devenu un sahabi, radiyallahu ta'ala. Tout ça pour vous montrer, les deux histoires, c'est les mêmes. Et ndhuru, al-hal. Ndhuru, ça nous montre que les mushriki, zamanina, ils sont pires que al-awwaloun fi hadha al-bab. والله المستعان. قال بل إن شركهم في الشدة يزيد على شركهم في الرخاء بحيث إذا وقعوا في خطر والشدة ارتفعت أصواتهم بالشرك ودعاء غير الله. هذا هو الوجه الأول من وجوه الفرق بين المشركين الأولين ومشركي زماننا. Donc le premier point, أن dans la difficulté المشركون الأولون qui était à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام, ils demandaient qu'à Allah dans les moments difficiles. Ceux de notre époque, dans les moments difficiles, ils font du shirk. Et dans les ans, ils font du shirk. Donc, ils sont pires. Deuxième point, قال قبل ذلك قال والوجه الثاني سيأتي قال المؤلف رحمه الله فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون الله تعالى ويدعون غيره في الرخاء وأما في الضر والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون ساداتهم وتبين له الفرق بين شرك أهل زماننا والشرك الأولين ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا والله المستعان. صحيح. Celui qui a compris cette masala حقيقة, il va comprendre أن حال هؤلاء القبوريين, ceux qui invoquent les tombes, min soufiya ou rawafid ila akhari, leur situation elle est très très grave. Même s'ils se prétendent, ils disent qu'ils sont musulmans, même s'ils font salat, même s'ils prononcent shahada ila akhari, hada shirk iyadan billah, ça fait sortir de l'islam. Ils sont à la khatar azim, khasatan celui qui a su, à qui on a montré la vérité, qui a été conseillé, et il s'entête iyadan billah, et qui rejette le haqq. Mais pardon, il rejette le haqq, il harab le tawhid ou ahl le tawhid. Ah là, il est à la khatr azim, ayyadan billah. Alors, on doit leur montrer à haoula. On ne désespère pas, on fait des causes. Et Et celui que Allah subhanahu wa ta'ala veut guider, il le guidera. قال الشيخ الأوزان حفظه الله تعالى يقول رحمه الله إنه لا يدرك الفرق بين الشرك الأولين والشرك المتأخرين أن الشرك المتأخرين أغلب وأشد إلا من فهم الآيات القرآنية التي توضح ذلك ومن لم يدرك الفرق فإنه راجع لسوء فهمه صحيح التوفيق من الله بعضهم لا يفهم لماذا لأنه ما وفق الله لا قيده pour comprendre les sabab pour une cause قال والامر الثاني deuxième point اي la différence au pourquoi les mushrikoun de notre époque ils sont plus égarés que les mushrikoun de l'époque du prophète عليه الصلاه والسلام ان الاولين يدعون مع الله اناسا مقربين عند الله اما انبياء واما اولياء واما ملائكه او يدعون اشجارا واحجارا مطيعه لله ليست عاصيه وأهل زماننا يدعون مع الله ناسا من أفسق الناس والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك أي le deuxième point أن الأولين ils adoraient des صالحين vraiment إما الملائكة إما des impies إما des prophètes إلى آخر أو des arbres des pierres. Et les arbres et les pierres, c'est des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils adoraient Ha'ula. Amma à notre époque, tu trouves un rafida. Akhzahum Allah. Wa hakada soumiya. Wa'aduhum, ils adorent des fussaq. Des mujrimin. Ils les appellent Aulia et c'est des mujrimin. Ba'aduhum, ils font pas salat. Wa'aduhum, iyadam billah, khamrun, wa zina, wa liwat, wa sariqa, wa dhulm. Et ils font jami' al-fawahish. Et ils les appellent Aulia et ils les adorent alors qu'ils sont vivants. Comme la mouti, mais quand ils sont morts, Kazal. Ayyadam billah. Et ça, c'est une différence énorme. Malgré que le premier cas, ça reste du shirk. On a déjà expliqué que même si c'est un salih, même si c'est aslah al-nas, notre prophète Mohammed alayhi salatu salam, il n'a pas le droit de tout. Mais ma'ala liyana al-ibada, c'est un haq lillah wahda. C'est que pour Allah, Azza wa Jal. Qala al-wajh al-thani min awjuh al-furq. أن المشركين الأولين يدعون أناسا فيهم صلاح والتقرب إلى الله من الملائكة والأنبياء والصالحين أو يدعون أشجارا أو أحجارا ليست عاصية لله وأما المشركون المتأخرون فيدعون فجرة الخلق وأشدهم كفرا وفسقا ممن يزعمون لهم الكرامات وسقوط التكاليف عنهم من ملاحدة الصوفية الذين يستحلون المحرمات ويتركون الواجبات كالبدوي والحلاج وابن عربي وأضرابهم من أئمة الملاحدة هؤلاء سدي زنادقة كفرة هؤلاء سدي من رؤوس الصوفية حتى إذا مبدأ عيدا بالله أن الولي لا دخل الله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فهم يجيزون أن هؤلاء إذا أتى اليقين لا سيختتد فإذا دخل الله بعضهم المسلمون يفون جمعائهم يغست Ils restent chez eux, riyadam billah. Et même Jumu'ah, ils la font. Et ils boivent de l'alcool, et ils font jamir al-ma'as, l'imana. Ils sont plus concernés par l'ibada. Pourquoi? Les annahum, ils ont atteint la certitude. Alors que jamir al-mufassirin, ils expliquent le verset, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, et al-maut. C'est pour ça que notre prophète, alayhi salatu wassalam, la créature la plus aimée, inda Allah subhanahu wa ta'ala, il a adoré Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à sa mort. Et ha'oula, ils prétendent qu'ils ont atteint ce niveau de ne plus adorer Allah Azza wa Jalla. Il n'y a aucun doute qu'un rous al-souviya haoulas des malahid al-zanadiqa. Ils n'ont rien à voir avec l'islam. Wallahi, anna ba'dahum, ils sont akfar. Ils sont pires que les yahoud ou les nassar. Fi adawat al-islam et fi al-kufr. Fala ta'tar bi haoula. Amma al-awam, c'est des masakin. Al-awam, ils ne connaissent pas tout ça. Ils pensent que ba'd haoula, c'est vraiment des awliya. Fa al-awam, on leur montre. On leur montre حال هؤلاء que ce soit le Hallaj ou Ibn Arabi بعضهم كان حلاج il a prétendu que c'était lui Allah انظر من كفر انه يدي que ما تحت الجبة إلا الله بعضهم يدي هكذا أي يدي أن sous son قميص sous son vêtement c'est Allah أي lui الأمر il est خطير جدا هؤلاء combat الإسلام au nom de l'Islam قال فيعبدونهم وهم يشاهدونهم يفعلون الفواحش ويتركون الفرائض حتى Marra ba'duhum, ils ont demandé à un, ils lui ont dit, min ha'ula al-zanadiqa, min shuyukh al-sufi al-dhullal, ils lui ont dit, ils sont partis au Asr. Moi, ils sont revenus du masjid et ils l'ont trouvé à la même place, chez lui, assis. Ils lui ont dit, ah, Fulan, tu ne fais pas salat. Et il leur a dit, Anna, j'ai fait salat fi Mecca. On brûle quel. Ayant une minute, il est parti à Mecca, il est revenu, il a fait salat. Et il a fait ça, c'est des masakis. Ce qu'on demandait, lui, c'est un masaki. Mais Anna, maintenant, on a fait l'Asr. Est-ce que l'Asr au Maroc, à Tanger, c'est l'Asr à Mecca? Il y a 3 heures de différence. On brûle à la savaha. C'est comme si nous, maintenant, l'Asr, il nous aurait dit, j'ai fait à Mecca. L'Asr à Mecca, c'était il y a 3 heures. Qu'est-ce que tu dis, tu l'as fait l'un à Mecca? يا كذاب الآن مكة يزوف المغرب يزوف فيني فهم ينطوا العيشاء انظروا كيف يضحكون على الناس توسى لماذا لأنهم سيدي الزنادقة لا يؤمنون بالله عز وجل يزون ديباسي اليهود والنصرى والمنافقون يبخطان أنهم سيدي أولياء بوركوا بورنا يتدخل العوام مساكين إلا قدان إلا قدان فرنسا قال ويتركون الفرائض إلى آخر لا نعم الفرائض لا الصيام ولا الصلاة ولا الشيء نكمل avant la 11e شبهة on lit ce dernier passage قال والذي يعتقد في الصالح والذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهول ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به نعم celui qui adore une pierre ou un arbre ou un homme pieux qui est vraiment pieux c'est du shirk qui sort de l'islam c'est un kafir lakin son cas est moins grave que celui qui adore un mujrim il voit que c'est un mujrim Maintenant, il voit qu'il boit de l'alcool, il voit qu'il fait zina, il voit qu'il vient pour Mejlis, et il s'entête à dire que c'est un homme pieux, et quand il le voit, il lui embrasse les pieds, il fait le recours et fait sujet. Le haqiqa, c'est un kafir billahi azzawajal, et kadarik, il a un problème dans la raison. Il a un problème dans la raison. Qu'est-ce que tu t'autorises à adorer un mujrim? Un salih, on n'a pas le droit, un homme pieux, on n'a pas le droit. T'as mal à l'oeuvre, un mujrim. Ça montre à Naha ou la Iyadam billah, ils ont perdu leur dîne et leur raison. قال الشيخ الفوزان هذه نتيجة المقارنة بين الشرك الأولين والشرك المتأخرين المنتسبين إلى الإسلام وهي أن الشرك بعبادة الصالحين والمخلوقات التي لا تعصي أخف من الشرك بعبادة الفجر والملاحدة والعصا لأن ذلك يدل على تزكيتهم وموافقتهم على كفرهم وفجورهم واعتباره صلاحا وكرامة وأي محادة لله أشد من هذه المحادة نسأل الله العافية صحيح c'est très très grave adorer واحد qui fait des معاصي بل des كبائر بل du كفر lui-même et l'adorer هذا c'est très très grave ça montre que هذا القلب il est ميت عياذا بالله il est ميت إما بالعناد إما بالجهل إما l'orgueil إما l'ignorance Et dans tous les cas, cette personne elle a besoin de se soigner. Wa nas'alullah kama qala al-shaykh al-afiyah. Alhamdulillah, on a lu la 9e shubha et la 10e. La 9e, vous ne l'avez pas dans ce livre, vous avez que la moitié de la 10e. Inch'Allah, on trouvera une solution pour que vous la recopiez. Taktafi bihada et on passe à notre 2e passe. والحمد لله رب العالمين